Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre émission spéciale rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et ce dimanche, nous allons faire un grand retour dans le passé, revenir vers cette vague psychédélique et parfois krautrock avec comme fil rouge Hawkwind. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu Hawkwind, l'un des membres, celui qui jouait de la basse à l'intérieur, est devenu immensément connu par la suite parce que c'est tout simplement Lemmy Kilmister qui a joué de la basse et qui chantait dans Motorhead. Et donc, avant de lancer ce groupe de hard rock Motorhead, il jouait dans un groupe psyché un peu bizarre, et comme vous allez pouvoir le constater au cours de cette Selecta ce soir. Donc, Hawkwind avec plein d'albums, le grand truc qui va. Leur grand tube, c'était Silver Machine, qu'on écoutera ce soir bien évidemment, et on aura aussi donc plein de choses du même acabit, donc fin des années 60, début des années 70, légèrement hippie, mais pas les hippies neuneux, un peu plus les hippies bien bien bien défoncés à la Freak Brothers, et c'est parti. Thank you very much. Thank you. Thank you. En février 2018, alors que le Dengvaxia fait scandale aux Philippines, la revue The Lancet Infectious Diseases publie un éditorial intitulé « Le dilemme du vaccin de la dengue », qui rappelle à la suite des épidémiologistes et modélisateurs de Lisbonne cités plus haut que la vaccination doit obéir à une certaine éthique. L'éditorial se conclut ainsi « L'âge a clairement été utilisé comme un substitut au statut de séropositif dans les premières recommandations. Cette position est devenue insoutenable. Forever, I thought of the sea and a white yacht drifting. In the ninth second of forever, I thought of a leaf, a stone, the plastic fragment of a child's toy. In the eighth second of forever, I remembered a warm room where voices played. In the seventh second of forever, I thought of a life I would not lead. In the sixth second of forever, I saw your mouth whispering something I could not hear. In the fifth second of forever, I thought of the vermilion deserts of Mars, the jeweled forests of Venus. In the fourth second of forever, I could remember nothing that I did not love. In the third second of forever, I thought of rain against a window, I thought of the wind. In the second second of forever, I thought of the pair of broken shades lying on the tarmac. The first and final second of forever, I thought of the long past that had led to now. And never, never, never, never. traversé la frontière comme la smala d'Abdelkader, des coups fins plein la malle arrière. Dans la Mercedes déglinguée de couleur gris métallisée, celle que mon père a tant aimée pour s'échapper au bout du monde. Traverser la frontière avec ma mère et mon grand-père, avec ma sœur et puis mes frères, pour être enfin seul au monde. Chers compagnons, tous les partisans de l'autorité et de sa fille, la contrainte, tous les défenseurs de ce qu'on appelle bien à tort l'ordre social, basé sur l'État et la propriété, sur la patrie et la religion, sur le code et la morale officielle, sont les détracteurs systématiques de l'anarchisme. Thank you. dénature à plaisir les fondements de notre doctrine. Il ridiculise à l'envi nos principes et nos méthodes d'action. Il nous prête sans compter les desseins les plus vils ou les intentions les plus folles. Ils entravent avec acharnement notre propagande par l'étouffement et la répression. Corinne loved to bang. She banged on things. But since Corinne was reared way out in the sticks, her parents never showed her a love for artistic expression. There was no way for Corinne to vent transgressions. Corinne's mother hated her guts, so Corinne made lots of trips to the woodshed. Until one day, turned on by the idea that she could bang on skin that was still alive, Corinne decided to bang on her parents. Bash their skulls in, that is. So Corinne got sent to the big bird cage, where they like to fricassee. Now she's off with 5 years of good behavior. The first time she failed, now Corinne has a new skin and she won't make the same mistakes again. Tous, l'anarchisme est l'ennemi et nous sommes en effet les ennemis déterminés de toutes les autorités qui s'exercent et au surplus ne peuvent s'exercer que par la contrainte, la violence et la persécution. Thank you.

what you learn. The street is cold, the dawn is gray.

Vous feriez bien de vous dépêcher, avait prévenu le central de Ganymède. La prochaine conjonction sera mauvaise, nous allons, avec Io, provoquer des séismes sur Europe. Et sans vouloir vous effrayer, à moins que notre radar ne soit déréglé, votre montagne s'est encore enfoncée de 100 mètres depuis la dernière observation. À ce train, pensait Van der Berg, Europe redeviendrait plate en 10 ans. shouting, no shouting. But there's no confusion on this point. I'd say these are the best times. Anyway, the wind blows. à proscrire en entretien. Parce que justement, ça donne un côté beaucoup trop décontracté, qui peut être mal perçu par un employeur. C'est vrai qu'une veste, c'est tout de suite plus classieux et approprié.